La visite de ces deux filles, à deux reprises, dans des toilettes différentes, laisse imaginer à Madame Vauquer que le père Goriot a quatre maîtresses.